Transformation. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire un cœur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence-Vie, présentation, Prisca Aïman. Voilà, le générique l'a annoncé, hein. C'est Transformation, vous êtes à cette émission dénommée Transformation, qui fait l'apologie de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui fait connaître Jésus-Christ, qui fait connaître la puissance de Jésus-Christ, par le témoignage, hein, par le récit de témoignage des personnes qui l'ont expérimenté dans leur vie. Et c'est le cas de Maurice Mbwana que nous avons eu la semaine dernière, et on vous a fait saliver. C'était juste un apéritif, cette première émission. Nous sommes à la seconde émission qui lui est consacrée. Il a rencontré donc cette fille-là, qui est d'ethnie néo. Voilà, il ne l'a pas dit, mais tout à l'heure, on va en parler, qui est d'ethnie néo, c'est Vesa Sandra là-bas. Et il ne savait pas que c'était l'agent de Mami Wata, ou même que c'était Mami Wata. Mais vous allez comprendre. Vous allez aussi comprendre comment le Seigneur l'a délivré de toutes ces choses, parce qu'il est passé, j'ai failli dire, dans l'antre de la mort, dans la vallée même de la mort. Mais le Seigneur a eu pitié de lui, le Seigneur a eu compassion de lui, et l'a retiré. Mais tout à l'heure, toutes ces choses-là, on va les décrypter. Alors, Maurice, bonjour. Hein. Bonjour. Ou bonsoir pour ceux qui écoutent l'après-midi. Mmh. Tu le disais la dernière fois, quand vous avez causé, tu t'es entretenu avec cette fille-là, après, tu as raccompagné au carrefour de Kumasi. Oui. On t'écoute. Effectivement, elle m'a accompagné au grand café de Kumasi, parce que c'est là que j'allais emprunter pour rentrer chez moi et pour rentrer. Donc, avant de se séparer, moi, je l'ai invité. Parce que moi, j'étais invité à une fête. Il y a une sœur congolaise qui fêtait son anniversaire. Donc, j'ai invité la fille. Et la fille me dit, bon, tu m'appelles demain l'après-midi, parce que le matin, c'était le samedi. Mm-hmm. Et le matin, je vais aller faire mes cheveux, à propos d'un. Elle dit, bon, pas de problème. Donc, le samedi, j'appelle la fille, l'après-midi, la fille me dit que c'était pas possible qu'elle vienne, parce que ses cheveux n'étaient pas encore finis. Mais elle m'a encouragé d'aller à la fête. Et ce jour-là, j'ai beaucoup bu. C'était à Nyongon, on avait 27 là-bas. Et ce jour-là, j'ai beaucoup bu. J'ai pas pu rentrer chez moi au carrefour là-bas. Je partais habiter vers le marché Sikoji là. J'ai pas pu rentrer chez moi à la maison. Donc j'ai passé la nuit chez un frère à Nyongon là-bas. Mm-hmm. Et le dimanche matin, je me réveille. Je vois 17 appels sur mon portable, mais c'est le nom de la fille qui figurait sur le portable. En fait, elle m'appelait parce qu'elle voulait venir connaître chez moi. Donc moi, je l'ai rappelé. Elle dit, mais pourquoi tu me bipes? Elle dit, non, je t'appelais, mais je voulais venir connaître chez toi, et pour qu'on la voie. Elle dit, bon, si tu veux venir connaître chez moi, tu quittes, quand tu empruntes de chez toi là-bas, au carrefour de Kumasi, tu descends au carrefour de la Vache. Si tu descends au carrefour de la Vache, tu m'appelles, et sinon, loin de là, je vais venir te chercher. Donc moi de Nyangon, j'ai emprunté pour rentrer vite à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais sous la douche même. Ça n'a pas duré même 45 minutes, comme ça la fille m'appelle. Elle dit qu'elle est déjà au carrefour Lavache. Donc je suis allé rapidement la chercher. On allait manger quelque part et puis bon, on allait à la maison. Arrivé à la maison, j'ai demandé à la fille de sortir à elle. Effectivement, on est sortis ensemble. C'était à midi, hein. On est sortis ensemble et on était tous deux nus. La fille me dit, Maurice, je t'ai dit quelque chose, mais il ne faut pas avoir peur. Bon, moi, je n'ai pas pensé à un truc aussi bizarre. À ce qu'elle allait te dire. Voilà, je n'ai pas pensé. Mais elle avait l'air quand même un peu, je veux dire, un air un peu sérieux. Oui, elle était sérieuse. Elle était un air sérieux. Donc, bon, pour moi, je pouvais penser qu'elle allait me raconter son passé, parce qu'il y a des filles comme ça, elle peut te dire, bon, voilà, tu menais telle vie avant. La fille me dit, non, je suis une amie Wata. Elle dit, il ne faut pas jouer à moi. Est-ce qu'elle t'a dit, hein? Elle me dit ça, vous faites, bon. Et si Mami Wata, il dit, mais faut pas plaisanter comme ça. Faut pas plaisanter comme ça. Mami Wata, comment? Il dit, si Mami Wata, il dit, je peux pas jouer à moi. Il dit, je t'ai dit la vérité, Maurice. Il était vraiment dans son sérieux. Je te dis la vérité, c'est mon mot. Il dit, moi, je ne crois pas. Il dit, tu ne crois pas. Il dit, je ne crois pas. Tu ne crois pas. Il dit, je ne crois pas. Il dit, bon, comme tu ne crois pas, je te donne le nom de ton papa, le nom de ta maman, de ta mère. Et effectivement, il m'a donné le nom de mon père et de ma mère. C'était exact. Vrai. Donc, ça m'a paniqué un peu. Étonné, là. Oui, ça m'a étonné. Pourquoi ouais. Comment elle connaît le nom de mon papa? On vient de se connaître. Mm-hmm. Donc, quand elle a dit ça, moi, je lui ai dit, ah bon, moi, je t'ai caché quelque chose. Comme je sais que tu vois, je t'ai caché quelque chose. Mais je suis obligé de te dire parce que je sais que tu vois. C'est là que je lui ai dit, ah, elle me dit, dis-moi. Je lui ai dit, bon, j'ai perdu ma femme, celle qui vit avec moi, elle est morte, ça fait 4 mois. Je lui ai dit, eh oui. Elle-même, elle a commencé à développer la mort de ma femme. Elle a dit, oui, ta femme est morte, elle était très belle, elle était en forme claire, elle est morte, en sorcellerie, c'est la famille de sa maman qui l'a tuée. Ils ont même tué l'enfant dans le ventre une semaine avant. Mm-hmm. C'est ce que l'agent de Mamie Ouattara te dit. Elle me dit donc, elle a commencé à dire. Elle dit qu'actuellement, il dit, ta femme là, t'as beaucoup aimé. Elle dit, mais actuellement, on parle là, elle est ici, elle est dans la maison ici. C'est là, moi, je dis, ah, donc, elle est ici. Il dit, elle est là. Là, elle me dit, elle peut pas te faire du mal. Elle dit, non, pouvoir de revenante là, moi aussi j'ai ça. Elle peut rien me faire. Donc, c'est là, la fille commence à me dire, mais n'ose pas, pourquoi toi tu aimes les femmes comme ça? Elle dit, pourquoi tu aimes les femmes? Quand tu vois pas femme passer sous tes yeux, hein? Quand tu m'as vu au grand café de Koumassi là, tu savais que moi j'étais Mamie Ouattara. Mais moi, quand je t'ai vu, j'ai su que c'est de toi que ma mère m'a parlé. Mm-hmm. Je n'ai pas compris d'abord cette partie. Ce qu'elle voulait dire, oui. Voilà, j'ai pas compris ce qu'elle voulait c'est dire. C'est qu'elle met et puis. C'est qu'elle met. Sa mère peut te connaître comme ça. Elle dit, tu aimes toi les femmes? Tu n'as pas de yeux spirituels et puis tu joues à ta vie comme ça? Hein? Est-ce que tu sais que il y a des gens quand ils saluent les gens, ils saluent avec leurs fesses? Il y a d'autres même quand ils marchent la tête en bas, les pieds en l'air. Toi, tu n'as pas de yeux spirituels et puis tu joues à ta vie comme ça? Et tu connais quand les gens marchent là? Et tu connais qui est qui? Il dit, les femmes, nous, on est comme moi sur la terre ici, on est beaucoup. On ne peut pas nous compter. On est très, très beaucoup. Et puis tu joues à ta vie. Et puis je te dis, moi, d'abord, je donne un conseil. Avant de manger quelque chose, il faut prier. Il est passé dans chaque marché que tu vois, sans exception. Moi aussi, on me met marché dedans. Donc, avant de manger, il faut prier. Il dit, même d'abord, si tu veux, je peux ouvrir tes yeux. Il dit, dans notre marché des sorciers, là, il y a le feu, un vent à 50 francs seulement. Je vais mettre ça dans tes yeux, tu vas commencer à voir. Mais je vois, tu ne vas pas supporter. Donc, j'étais là. Elle t'a dit tout ça, hein? Oui. Mais pour elle, déjà, on a couché ensemble. Donc, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Pour elle, déjà, elle m'a gagné. Elle m'a gagné. Donc, elle peut me dire, puis c'était la mission pour laquelle elle était venue. Mm-hmm. Donc, elle dit, donc j'étais là étonné. Elle a commencé à dire, souvent, je vais dans les églises pour aller séduire, pour aller faire tomber les pasteurs, souvent bloquer les prières. Je peux aller à l'église, bloquer les prières de mon pas. Donc, quand elle disait tout ça, moi j'étais assise, je l'écoutais, je n'avais pas, j'ai commencé à penser, à regretter vraiment à ce que Dieu m'avait demandé, d'arrêter les femmes. J'ai commencé à arrêter, ah si j'avais compris cela, j'avais pas tombé dans tout ça. Mm-hmm. Puisque tu venais de coucher avec un esprit, oui. Un esprit en chair. J'ai commencé à regretter vraiment. Donc, la fille me dit, Maurice, actuellement, je sais que tu galères. Ça ne va pas chez toi. Mais je veux te proposer quelque chose. Parce que je te vois, bon, tu es beau, tu es propre. Je veux te proposer quelque chose. Mais si tu acceptes la chose là, tu ne dois plus souffrir. C'est là, elle dit, mais tu me proposes quoi? Elle dit, mais je veux que tu sois le mari de ma maman. Ah. Mm-hmm. C'est une parole bizarre. Très bizarre. Moi, je lui ai dit, mais je comprends pas. Moi, je viens de sortir avec toi. Je viens de sortir avec toi et peut être le mari de ta maman. Ça veut dire quoi? C'est là, la fille me dit, mais je ne t'ai pas dit que je suis Mamie Ouattara. Ma maman qui est chez nous, en zone 4, là, ce n'est pas ma vraie mère. Ma vraie maman, elle est dans l'eau. D'abord, pour te dire la vérité, ce n'est pas moi qui veux de toi. Mais c'est elle qui m'a mis sur ton chemin. C'est elle qui veut de toi. Donc, elle est humaine et sa mère spirituelle. Et esprit. Elle est esprit. Elle est et c'est elle, Mamie Ouattara. Voilà. Donc, c'est là moi j'ai dit à la fille, vraiment, la réponse est venue de Dieu. Parce que là, si il disait seulement oui, c'est comme s'il avait signé mm-hmm. un pacte. Mais Dieu n'a pas permis. Elle te demandait d'être le mari de voilà. De sa mère spirituelle, ta Mamie Ouattara. Et tu sortirais de la galère. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, que si j'accepte d'être le mari de Mamie Ouattara, je ne veux plus souffrir. Ça dit, si j'ai besoin d'argent, par exemple, j'ai besoin de 200 millions. Je me lève le matin, je confesse, là, je sors. J'ai envie de manger poulet aujourd'hui. Je me lève, je dis, je mange poulet aujourd'hui. Mm-hmm. Je sors, je reviens, la sauce est là. Mm-hmm. J'aurai des voitures, j'aurai des villas. La seule condition m'ont donné, que je ne dois plus me marier. Tu ne dois plus te marier, mais voilà. Tu pourrais chercher encore des femmes. Bon. C'était comment? C'est la seule condition qu'il m'a demandé. Tu ne dois plus te marier. Je ne dois plus me marier. Mm-hmm. Mais Dieu n'a pas permis. Vraiment, je n'ai pas cédé à la tentation. Si tu acceptais, mm-hmm. cet esprit de Mami Wata là allait venir te visiter comme une femme. Une femme qui vient avec son mari. Oui, c'est comme ça. Donc, quand il m'a dit ça, franchement, Dieu n'a pas permis que je puisse céder à la tentation. Je lui ai dit, ah, je dois réfléchir. C'est là, la fille me dit, ah, faut bien réfléchir. Tu veux pas être riche, avoir des voitures, des villas. J'ai dit, je dois réfléchir. Mm-hmm. Mais ça t'a fait peur tout ça. Oui. Donc, un moment, la fille commence à regarder sous les plafonds de ma maison, ma chambre, et dit, non, je suis en train de voir, tu es en train de te marier avec une femme posée. Et je vois la femme est en robe de mariage, toi tu es en costume. Mais cette femme-là, elle n'est pas congolaise, elle n'est pas ivoirienne. Après, elle dit, oh, toi, tu veux pas être le mari du moment. Hein? J'ai dit, je dois réfléchir. Parce que c'était aussi un danger pour elle. Elle était en mission. Et si tu dis non, c'est comme ça qu'elle a échoué. Oui, effectivement. Donc, la fille me dit, non, moi, actuellement, j'ai 23 ans. Quand j'aurai 30 ans, je serai reine dans notre monde. Mm-hmm. Je serai reine dans notre monde. Ça, c'est en 2006. Hein? Voilà. Mm-hmm. Je serai reine dans notre monde. C'est là, moi, je lui ai dit, bon, moi, je vais te poser une question. Parce que je ne comprends pas quelque chose. Tu me dis que ta maman qui est ici en zone 4 n'est pas ta vraie mère. Mm-hmm. Que ta vraie mère, elle est dans l'eau. Mais toi, comment tu as fait pour naître? Comment tu as fait pour venir dans ce monde? Mm-hmm. C'est là qu'elle me dit, oh, mais ça c'est un petit problème, je vais t'expliquer comment je suis née. C'est là qu'elle m'a dit que moi, je suis une fille néo. C'était pour la première fois que j'entends le nom de cette ethnie. Cette ethnie-là. Mm-hmm. Elle me dit que je suis une fille néo, je viens de Sassandra. Il dit, dans notre village, il y a une rivière. C'est elle qui explique comment elle est née. Hein? Il dit, dans notre village, il y a une rivière que les femmes ne traversent pas. Maintenant, elle appelle sa maman qui est en zone 4, la mère biologique. Elle dit que ma mère biologique qui est là, elle est de ce village. Elle est allée au village, étant enceinte. Mm-hmm. Donc, au moment où elle traversait l'eau, là, elle a violé l'interdit. Au moment où elle traversait l'eau, c'est la fille qui explique. Hein? Mm-hmm. Ils ont levé le ventre, enfin, qui était dans le ventre. Mm-hmm. Et ça a été remplacé par... Pas celle-là, c'est un esprit. Oui. Donc, il y avait un interdit dans ce village-là. Bon, pour ceux qui sont de ce village-là, de Sassandra, se connaissent. Voilà. Parce que c'est la fille qui m'a dit, moi, je suis. Et une pas. Femme enceinte ne devait pas peut-être voir l'eau bien traversée. Il dit qu'au moment où la femme traversait cette rivière, c'est là qu'ils ont enlevé le vrai enfant qui était dans le ventre. Oui. L'enfant normal, biologique, était dans le ventre de sa mère. C'est elle qui explique comment elle est née. Et ils ont remplacé maintenant par celle-là qui est devenue agent de Mamie Wata. Voilà, c'est elle qui explique. Elle dit que voilà comment je suis née. Mm-hmm. Mais je suis là, sur la terre. Avec une mission. Je travaille pour le compte de ma mamie Wata, qui est dans l'eau. Mm-hmm. C'est elle qui m'envoie dans les missions. Elle peut me dire, va dans telle église, va faire tomber tel homme de Dieu, va provoquer un accident quelque part. Elle dit, par exemple, ton cas, c'est elle qui t'a vu, elle m'a mis sur ton chemin. Mm-hmm. Elle savait comment te décrire tout ça. Elle vient me voir deux fois dans la semaine, le lundi et le jeudi. C'est ma fille qui dit ça encore. Oui, mm-hmm. Elle vient me voir deux fois dans la semaine, le lundi et le jeudi, pour me confier les missions. Mm-hmm. C'est pourquoi elle t'a dit que quand je t'ai vu au grand carrefour de Kumasi, j'ai su que c'est de toi que ma mère m'a parlé. C'est ça. C'est-à-dire, depuis là-bas, moi, je ne suis jamais arrivé à Sassandra, je ne savais même pas quelle route on emprunte pour aller là-bas. Mais de là-bas, elle m'a vu. Mais je ne sais pas ce qu'elle a vu en moi. Elle m'a dit que le monde spirituel. Oui, ils ont des caméras. Le monde des ténèbres voit un peu. Oui. Je veux dire, ce monde-là a des caméras. Oui. Pour voir un peu la vie des croyants, des chrétiens, des enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu sur moi. Donc, voilà un peu. Là, tu vois comment la fille a expliqué sa naissance, comment elle est née. Bien sûr. Et puis elle dit qu'elles sont nombreuses, on ne peut pas les compter. C'est ça qui est dangereux, le discernement. Donc, après, je pose encore une question à la fille. Parce que la fille, elle a un teint noir. Pour moi, quand on dit Mamie Wata, quand on était enfant, quand on essayait un peu de décrire la sirène des eaux, on disait qu'elle est claire, elle a des longs cheveux, tout ça là. La fille m'a dit non, sa maman, elle est noire comme elle. Si j'acceptais ce jour-là, elle allait venir me voir. Elle dit, maman, elle est belle, elle est noire comme moi, elle a que 38 ans. Elle a que 38 ans, mm-hmm. Si elle est belle, si tu veux ce soir, elle va venir te rendre visite. Donc, la fille est comme ça, elle me dit, elle m'a dit, non, tu sortais, elle a comme ça, c'était les filles, elle dit que tu sortais une fille, baoulée, la fille, elle est sorcière, dans ta maison, là, tu viens d'aménager. Effectivement, quand j'ai perdu. Tu étais vraiment sous surveillance, hein? Il connaissait un peu ton quotidien, ta vie, tout ça. Effectivement, quand j'ai perdu ma femme, là, j'ai déménagé. Elle dit, ta maison, tu viens d'aménager, elle dit, oui. Elle dit, maintenant, il y a une fille même dans ton couloir, là, la maison psychologique, là, tu vois, les couloirs, il dit qu'il y a une fille qui est fond de toi, dans ce couloir-là, mais il ne faut pas sortir, elle, parce que ce n'est pas une bonne fille. D'abord, il dit, désormais, ton âme est dans ma main. Il dit, désormais, ton âme est dans ma main, je vais te contenir partout où tu seras. Mm-hmm. Il dit, parce que moi, j'ai le pouvoir de me dédoubler. Je peux être en même temps chez nous, et puis en même temps chez toi ici. Tout donc, ça fait peur, hein. Donc, on me disait ça. Donc, un moment, tout ce qui s'est passé, la sirène des eaux regardait, hein. puisqu'elle envoyait sa fille à mission. Mais elle était témoin en même temps. Oui. Donc, à un moment, je vois la fille, son portable sonne. Elle a pris son portable, elle a commencé à causer. Et je ne comprenais pas leur ethnie. Elle a communiqué jusqu'à un moment, elle a pris son portable, elle a tapé contre le mur. Et elle a commencé à pleurer. C'est pour moi, je me suis dit, peut-être, la Seigneur des Hommes lui a dit que tu as fait un échec. Parce que le problème, c'était que moi, elle dit oui. Mm-hmm. C'était le problème. Elle a tapé le portable, son portable sur le mur, elle a commencé à pleurer. C'est là, moi, je dis, mais tu pleures pourquoi? Oh non, on a perdu quelqu'un à sa sonde, il faut que je parte. Donc, elle s'est habillée. Moi aussi, je me suis habillé. J'ai pris 2000 francs pour lui donner, pour payer son transport. Elle était fâchée contre moi maintenant. Elle dit, moi, je vais foutre quoi tes pauvres 2000 francs là? Hein? C'est toi qui as pris d'argent. D'abord, moi, mon nom là. Mon nom veut dire, dans notre ethnie, mon nom veut dire beaucoup d'argent. Et comme moi, j'ai besoin d'argent là, je soumets le problème à ma mère spirituelle, avait dit à Manuata. Mm-hmm. Quand j'ai pris d'argent, je soumets le problème à ma mère spirituelle. Et elle me dit, appelle tel monsieur. C'est-à-dire, elle dit quoi? Qu'elle a signé des agents qui travaillent pour elle sur la terre. Mm-hmm. Donc, elle, la petite fille, quand elle a besoin d'argent, la fille là, la fille Seigneur des eaux là, quand elle a besoin d'argent, elle soumet le problème à sa mère spirituelle. À sa mère spirituelle. Elle lui dit, bon, appelle tel monsieur, ton problème sera réglé. Mm-hmm. Donc, par exemple, si moi, ils avaient pu me gagner, j'allais être de leur. C'est ça. Voilà. Donc, la fille, quand elle a besoin d'argent, quand elle soumet le problème, et puis, bon, tu vois un peu ces bises. Pourquoi la fille vont à l'école là-bas là? Elles ne vont pas là-bas pour de l'argent. Ça veut dire qu'elles vont pour en foutre. Mm-hmm. Elles ne vont pas pour de l'argent. C'est ça. En fait, elle n'a pas besoin d'argent. Elle n'a pas besoin d'argent, puisque Mamie Wata lui donne ça. Oui, mais ça, elles vont c'est pourquoi pour, c'est, oui, c'est pour en foutre. C'est pour en foutre, c'est qu'elles vont. Et puis ces choses-là marchent. Oui. Donc, elle a été fâchée. Elle dit, moi, je fous toi des pauvres d'argent. Tes pauvres 2000 francs là, c'est toi qui as besoin d'argent. Accompagne-moi ce moment, je vais partir. Donc, je l'ai accompagnée au Carrefour Lavage. Elle a pris son taxi et elle est partie. Je suis revenu à la maison. Franchement, quand je suis revenu à la maison, la nuit, puis je vivais seul. La nuit, quand je dors, quand je ferme mes yeux, quand j'essaie de fermer mes yeux, non, je vois les images des dragons, André Python. J'ai senti la présence d'un esprit dans la maison. La maison chauffait comme ça. Je dis, mais c'est qu'elle a fait ça. Alors que tu n'as jamais vécu ça. Non. Quand tu n'avais pas couché avec l'agent de Mamie Wata, non. Tu ne connaissais pas je ça. Je n'ai jamais vécu ces choses. Donc, vers les 23 heures, quand j'essaie de dormir comme ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. 1h du matin, je me suis agenouillé. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Parce que je me suis dit, bon, si j'avais entendu la voix de Dieu, comme il me l'avait demandé, je ne pouvais pas tomber dans ces choses-là. Mm-hmm. Et j'ai vraiment la prière que j'ai faite. J'ai dit, je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, je sais que toi, tu es un Dieu d'amour. Même quand tu as envoyé Jonas à Ninive pour aller annoncer l'évangile, il l'a refusé, mais tu l'as pardonné. Pourquoi pas moi aussi? Donc quand j'ai dit ça là, vraiment, dans son amour, c'est là que Dieu est venu me délivrer. L'atmosphère était un peu plus apaisée. Oui, c'est là que j'ai eu un léger. Après cette prière, je me suis couché, j'ai eu un léger sommeil. Mais attends. Mmh. Tu es passé un peu rapidement sur ce que tu as vécu là. Parce que le Seigneur t'a délivré quelque chose. Oui. Tu as dit que quand tu t'apprêtais à dormir, oui. pour espérer avoir le souffle de vie le lendemain, l'atmosphère était surchauffée. Tu vois des dragons. Raconte-nous un peu. Oui, franchement, je voyais, quand j'essaie de fermer les yeux, je vois, on dit dragon, on dit python, et puis j'ai senti la présence d'un esprit dans la maison. Mm-hmm. J'ai senti la présence. N'avais pas bien respiré aussi? Non, mais tout était étouffé dans la c'était maison. C'était chaud. Chaud, oui. Mm-hmm. Donc, j'avais peur même d'abord de dormir, et puis quand j'essaie de fermer les yeux, je vois les images. Mm-hmm. Donc, c'est là que je me suis agenouillé, j'ai commencé à me repentir, mm-hmm. demander pardon à Dieu, et j'ai fait cette prière-là. Et c'est après cette prière que j'ai eu un léger sommeil. C'est cela. Et c'est dans ce léger sommeil-là que Dieu m'a délivré. Mais la manière que Dieu m'a délivré, franchement, c'est un mystère. Parce que mm-hmm. moi-même, quand je vois ça, c'est un mystère. Quand j'ai fait cette prière dans le sommeil, je me voyais moi-même deux. Mm-hmm. Tu étais dédoublé. Oui, je vois un mousse qui est couché, mm-hmm. et puis il y a un mousse qui est arrêté. Et le mousse qui est arrêté, pris sur le mousse qui est couché. Le mousse qui est arrêté, pris sur le mousse qui est couché. Et la prière que je faisais, franchement, je disais, c'est mon nom de Jésus. C'est comme si c'était une prière de combat. Je disais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis, je vois une tempête, un vent fort qui est sorti du corps qui était couché. Mm-hmm. En fait, quand je suis sorti à la fille, comme la Bible dit, quand vous sortez avec quelqu'un, vous devenez un spirituellement. Mm-hmm. La fille m'avait transmis des esprits. C'est ça, c'est clair. Puis elle est esprit. Mm-hmm. Donc, c'est ces choses-là qui se manifestaient en moi. Donc, après cette prière-là, j'ai vu un vent fort est sorti du corps qui était couché. Quand c'est sorti, c'est là que je me suis réveillé réellement. Mm-hmm. Donc, tellement j'avais peur de dormir, j'ai pris ma Bible, c'était 3 heures du matin. Tu as pris la Bible rapidement. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à méditer jusqu'à 6 heures. Mm-hmm. Et à 6 heures du matin, là, tellement j'étais tourmenté, je suis allé appeler la fille. Je l'ai appelée, la fille décroche le portable, elle me demande, ah Maurice, on dit quoi? Tu as bien dormi? Je dis, mais j'ai pas dormi toute la nuit. Elle s'éclate à rire. C'est là, moi, il dit, moi, il t'ai pas dit quelque chose qui est sérieux, et puis toi, tu ris. Elle me dit carrément que moi, il t'ai pas dit que je dis, mamie, attends, quand un homme couche avec moi, tu peux pas dormir. C'est ce que t'as dit, hein? Oui, elle me dit ça au téléphone. Je t'ai pas dit que moi, j'étais mamie, attends. Quand un homme couche avec moi, tu peux pas dormir. Il dit, mais comment ça? Il dit, c'est comme ça, il suit. Donc, j'ai arraché le téléphone, je suis revenu à la maison. Que l'affaire, c'est là. Or, quand j'essaie un peu d'avancer mes pensées, le jour que je suis allé à l'école libanaise, là, la fille m'a donné une bague. Une sucrée. Il m'a donné à boire, il m'a donné la nourriture, elle m'a donné une bague. Donc c'est comme si je célébrais inconsciemment le mariage à la sirène des eaux. Parce que c'était un truc eux, ils avaient planifié. Sans mon consentement. C'était un truc pour eux, ils m'avaient déjà vu. Donc c'était la simple nourriture seulement. Voilà. Alors que ce que tu as mangé, c'est pourquoi j'ai dit la bague à la fille, elle m'a donné tout en souriant. Parce que pour elle, c'est ce qu'elle attendait. Mais Dieu n'a pas permis. Mais tu as porté la bague à quel doigt? J'ai porté la bague, comme c'était un peu petit, j'avais mis ça ici. Après, j'ai enlevé, j'ai mis sous mon oreille. Donc, la fille me dit que quand tu voulais un homme coucher avec moi, tu peux dormir. Donc, je dis, mais c'est quelle affaire? Donc, je suis revenu à la maison. La bague était encore là. Il dit, bon, mais si, fais comment? Vers les 11h, tellement tourmenté, je suis allé appeler la fille encore. J'appelle la fille. La fille me dit, on va essayer pour voir si tu vas dormir. C'est ce qu'elle te dit. Je suis revenu à la maison, j'essaie de dormir, ça ne pouvait pas. Je ne pouvais pas dormir. Je suis allé encore à 14h pour l'appeler. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a animé de l'appeler. La fille me dit, bon, d'abord Maurice, je t'ai dit, tu vas faire 2 jours sans dormir et puis tu vas tomber malade. Quand il a dit ça, effectivement, la peur, vraiment, c'est une porte pour le dire. Quand j'ai eu peur, effectivement, je suis tombé malade. Quand j'étais à la maison, je ne sais pas à qui je vais expliquer ça. Je n'ai même pas eu les pensées d'aller voir mon pasteur pour expliquer. J'étais là. Mais c'est qu'elle a fait. Mais moi, ce que je pensais, je voulais la voir pour lui demander de me laisser ma vie en paix. J'ai refusé tout ce qu'il m'a promis, l'argent, les voitures, mais au moins laisser ma vie en paix. Donc à 17h, je suis allé l'appeler. La fille me dit qu'elle a Yopougon à Niangon. La fille dit qu'elle a Yopougon et à Niangon. Et tout le monde connaît Yopougon, tout le monde connaît Yop, hein, tout le monde connaît Niangon. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Qu'est-ce que cette fameuse fille-là, qui est mi-esprit, humaine, va dire à Maurice? Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il est troublé, il passe des nuits troublées, des nuits cauchemardesques, où il voit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a imploré la grâce du Seigneur, le Seigneur lui a fait grâce. Il est sorti vivant de ce cauchemar. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que Maurice a mangé la nourriture que l'agent de la sirène des eaux a donnée, ainsi que la boisson et la bague aussi qu'il a posée à son doigt. Est-ce que Maurice va s'en sortir? On ne sait pas. Et pour savoir, il faut nous suivre à la 3e émission. Il faut suivre la 3e émission qui est consacrée à Maurice Mbouana. Celui qui, avec cet amour effréné pour les femmes, est tombé sur Mami Wata. Qu'est-ce qui va se passer? À la semaine prochaine surtout. Portez-vous bien. Au revoir. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire un cœur. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence Vie, présentation, Prisca Aimon.